Je suis André Libby, je suis d'origine polonaise, je suis né en Angleterre. J'ai grandi au Canada, au Québec. J'ai fait mes études aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Je suis en Suisse depuis 25 ans. J'enseignais à l'Institut de haute études internationales et je me suis intéressé aux minorités à cause essentiellement de mon intérêt pour l'Europe centrale et orientale. Voilà, le sujet que vous m'avez demandé de traiter ici, c'est les minorités russes dans l'espace post-soviétique, avec une excursion peut-être sur le cas de l'Ukraine. Je suis très heureux d'être ici et de connaître l'existence de ce groupe de recherche que j'ignorais auparavant. Je commencerai donc avec un tableau des minorités russes qui compte près de 20 millions de personnes à travers l'espace anciennement soviétique. On en parle comme l'archipelago russe, qui est un peu ironique, puisque archipelago, c'est le terme que Solzhenitsyn a utilisé pour son goulag. On en parle aussi comme le diaspora russe, ce qui est un terme qui compte aussi les Russes à l'étranger. Donc, par exemple, les Russes de France feraient partie de ce diaspora. Je vais parler donc de Russes surtout, et puis par la suite, je vais essayer de traiter trois études de cas, celui du Kazakhstan, de l'Estonie et finalement l'Ukraine. Avant de parler des Russes proprement dit, laissez-moi faire une comparaison historique pour voir avec qui on peut comparer le cas des Russes actuels. Une comparaison qui vient à l'esprit tout de suite, c'est les migrations qui ont fait partie de la désintégration de l'Empire ottoman. Là, il y a eu une immigration très importante vers la mère patrie, qui a laissé des poches musulmanes significatives, par exemple en Bosnie, en Bulgarie. C'était un processus extrêmement traumatique pour les personnes concernées et aussi prolongé. C'est un processus qui a duré un siècle, contrairement au cas soviétique qui était beaucoup plus soudain et inattendu. Le refrain qu'on entend souvent, c'est le russe, c'est qu'on ne comprenait pas que l'Union soviétique puisse se désintégrer, qu'ils se sont couchés un soir citoyens d'un pays, enfin d'un grand pays, une superpuissance, ils se sont réveillés le lendemain. Citoyens d'un autre pays qu'ils ne connaissaient pas. Alors, dans cette immédiateté, en fait, dans le caractère soudain de ce changement, il y a une analogie plutôt à faire avec le cas de la Hongrie, qui s'est aussi désintégrée de manière soudaine à la suite de la Première Guerre mondiale, d'une manière incompréhensible pour beaucoup de Hongrois, qui a laissé des poches hongroises dans les pays avoisinants, autrefois partie du royaume de Hongrie, qui existe encore toujours, ces poches hongroises, en Roumanie, en Slovaquie, même en Ukraine. Et là, l'analogie qui est souvent répétée, c'est celle d'une mère qui recule et qui laisse des poches et des débris derrière soi. Surtout ce qui unit ces cas à celui de la Russie et nous laisse comparer avec le cas des minorités russes dans l'ancienne Union soviétique, c'est le changement de statut très radical. Les Russes, comme les Hongrois ou comme les musulmans balkaniques, représentaient un peuple dominant qui tout d'un coup devient un pays dominé. Cette perte de statut est peut-être le facteur le plus significatif dans le profil des Russes à l'étranger aujourd'hui. Ils ont perdu de statut, leur langue reste prestigieuse, comme le hongrois reste prestigieux en Europe centrale, mais c'est à peu près tout ce qui leur reste de leur statut d'autrefois. Passons maintenant à la question de savoir qui est russe. Il y avait une conception soviétique de la nationalité. Chacun possédait une nationalité, qu'elle soit russe, juive, tatare. C'était une nationalité héritée de son père ou de sa mère. Si les parents étaient de nationalités différentes, l'enfant pouvait choisir entre les deux. Cette nationalité figurait dans le passeport interne jusqu'à 1997. Sur l'exemple ici, c'est la troisième ligne qui dit Yévrei, qui dit Juif. Par la suite, c'était la cinquième ligne du passeport interne, mais c'était un facteur incontournable de l'identité soviétique. Il y a une conception post-soviétique de la nationalité, une conception qui restreint la définition de qui est russe. Et cette nouvelle définition de cette nouvelle identité a fait l'objet d'un débat assez prolongé, assez intense entre le Parlement russe, le Douma, qui voulait essentiellement que tous les anciens soviétiques soient comptés comme des Russes, et le Kremlin, qui voulait restreindre cette catégorie. C'est finalement le Kremlin qui a gagné. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on fait une distinction entre un Rossianin, donc un citoyen de la Fédération russe, et un Ruski, c'est-à-dire un Russe ethnique. Cette notion d'un Rossianin est dans un sens un élargissement, parce qu'un Tatar, un Bachkir peut être aussi un Rossianin. Tandis que le Ruski est limité à la catégorie ethnique, mais qui peut englober aussi des Russes de l'étranger, des Russes d'Ukraine, de Biélorussie ou d'ailleurs. Cette élimination d'ailleurs de la nationalité sur le passeport interne a été très controversée en Russie, surtout parmi les minorités. C'est les Tatars en premier lieu qui ne voulaient pas qu'on enlève cette référence, et il y a eu un compromis qui était adopté selon lequel un passeport tatar peut aussi avoir des pages annexes en tatar qui montrent que le titulaire n'est pas un Ruski, mais un Rossianin avec une particularité ethnique. Cette nouvelle notion de nationalité, une notion qui est essentiellement civique, a quand même donné lieu à un nouveau concept parallèle, qui est celui du Ruski Mir, le monde russe. Dans son sens le plus étroit, le Ruski Mir, c'est une fondation comme l'Alliance française ou le British Council ou les instituts Confucius qui pullulent à travers le monde aujourd'hui pour l'apprentissage de la langue. Mais le terme a pris un sens élargi. C'est un terme qui regroupe aujourd'hui la communauté de tous ceux qui se sentent russes. Le terme qu'on entend souvent, c'est soïtechnikhi, les compatriotes, ou les personnes russes, les ruskiy ludi, qui font partie de cette Ruski Mir, même quand ils sont, surtout quand ils sont à l'étranger, quand ils sont en dehors de la Russie. Ce n'est pas une conception ethnique, ce n'est pas une conception civique, c'est une conception subjective, parce qu'essentiellement, ça englobe ceux qui parlent russe. Mais justement, cette définition est problématique. Parce que le russe est resté la lingua franca de l'ancienne Union soviétique. C'est la langue commune interethnique dans des pays, des pays post-soviétiques où il y a plus qu'une seule ethnie. Et c'est une langue qui est entretenue par des habitudes, des vieilles habitudes d'abord, soit le prestige du russe. Les Kazakhs parlent de notre Pouchkine, par exemple, en s'identifiant donc avec cette culture russe qui leur a été imposée, mais qu'ils ont aussi imbibée pendant très longtemps. C'est un prestige qui est entretenu par la formation soviétique. En fait, toute personne aujourd'hui dans l'ancienne Union soviétique qui a plus de 40 ans, 45 ans, a fait l'école en russe. Ou à l'époque soviétique où le russe était très valorisé, et ceci reste un facteur important. Mais il y a aussi de nouvelles habitudes qui se sont créées, notamment l'immigration en Russie. La Russie est le deuxième pays d'immigration au monde, après les États-Unis. Comme vous voyez sur ce tableau, le nombre de gens qui viennent en Russie est plus important que ceux qui quittent. Et ça a toujours été le cas depuis la chute de l'URSS. La nature de cette immigration en Russie est variable. Il y a des Russes de l'extérieur, donc des Russes qui se répatrient vers la mère patrie. C'était plus facile pour eux avant 2002, quand la loi sur la citoyenneté a changé. Mais c'est toujours relativement facile, surtout si ils sont apatrides ou s'ils sont des ex-étudiants d'une université ou d'une institution russe. Il y a aussi des travailleurs en Russie. C'est difficile pour nous peut-être de le concevoir ici, mais la Russie est considérée un pays prospère par rapport aux autres pays post-soviétiques. Le revenu per capita du Tadjikistan, par exemple, en 1989, était un quart de celui de la Fédération russe, de ce qui est aujourd'hui la Fédération russe. Aujourd'hui, il est tombé à un sixième. Donc, la Russie reste relativement plus prospère que les pays qui appartenaient autrefois à l'ex-URSS. Il y a aussi un très grand nombre d'immigrants au noir. Donc, ceux qui viennent surtout d'Asie centrale et aussi du Caucase, ils sont mal reçus, mal accueillis, exploités par les employeurs. Généralement, leur sort n'est pas enviable, mais ils viennent en Russie pour gagner de l'argent qu'ils ne peuvent pas gagner chez eux. Une autre catégorie aussi qui vient vers la Russie, ce sont les étudiants. Les universités russes ont perdu beaucoup depuis la chute de l'Union soviétique, surtout dans le domaine des sciences, mais les universités russes restent quand même supérieures aux universités des pays ex-soviétiques. D'ailleurs, dans plusieurs de ces pays ex-soviétiques, en Arménie, par exemple, au Kazakhstan, il y a des universités dites slaves qui sont financées et qui font partie du réseau d'universités russes. Et c'est des universités qui, normalement, ont la cote, ont du prestige, vers laquelle des élites des pays post-soviétiques se dirigent pour être enseigner en russe et souvent pour continuer leurs études en Fédération russe. Voilà donc pour ce qui est de la situation globale en fait, de Russes. J'y reviendrai sans doute dans les questions, mais laissez-moi parler maintenant du Kazakhstan comme étude de cas. La situation kazakh est particulière parce que les Kazakhs en 1989 étaient une minorité dans leur propre pays. Je regarde, j'ai pas mon laser ici, mais si vous voyez sur ce tableau, 3, 4, 6, la cinquième ligne, en 1989, il y a 37% de Russes, 39% de Kazakhs. Donc les Kazakhs sont une minorité dans une république qui en principe est celle des Kazakhs. Ah, merci beaucoup. Celui-ci? Voilà. Merci. Oui. Donc il y a un grand effort, surtout depuis 25 ans, mais même avant, de renverser ces situations où les Kazakhs sont minoritaires dans une république qui porte leur nom. Et ceci était désigné comme une politique, qu'on traduit en français comme indigénisation, colonisation, qui commence même avant la chute de l'Union soviétique, dans les années 1970, sous Brejnev. Il y a une tentative d'augmenter le nombre de Kazakhs en Kazakhstan, surtout dans les cercles dirigeants. C'est une tendance qui s'est renforcée après 1991, évidemment. Et comme vous voyez ici, le nombre de Kazakhs a augmenté de manière significative entre 89 et 99, de 39,7% à 53,4%. Donc, ils deviennent une majorité dans une république qui porte leur nom. Aujourd'hui, ils sont plus de 60%. Cette politique d'indigénisation renforcée depuis 1991 représente une préférence ethnique qui repose essentiellement sur la langue, c'est-à-dire sont kazakhs ceux qui parlent et utilisent le kazakh comme langue principale. C'est d'autant plus important qu'il y a à peine 3% de la population russe du Kazakhstan qui parlait le kazakh. Donc, faire la distinction sur la langue était une manière très nette de faire une distinction ethnique également. Et ce qui est particulier au Kazakhstan et dans la plupart des anciennes républiques soviétiques, c'est que la conception soviétique de la nationalité a perduré. Même si elle a été abandonnée plus ou moins en Russie, elle a été reprise dans les anciennes républiques soviétiques, du moins partiellement. Au Kazakhstan, ceux qui ne sont pas kazakhs sont considérés russes. Ça veut dire les Slaves, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais, mais aussi des Juifs et des Allemands, parce que souvent ce sont des russophones qui s'attachent ou s'identifient avec la culture russe et donc sont considérés russes comme tels. Le Kazakhstan a connu une... Pardon. Le Kazakhstan a connu une émigration massive. C'est elle qui a aidé beaucoup à monter la proportion des Kazakhs, parce que c'est les non-Kazakhs qui émigraient. Ils émigraient surtout en Russie, mais aussi en Allemagne, en Israël, en Pologne. Comme vous avez vu sur le tableau, à l'époque où les Kazakhs étaient une minorité, les Russes n'étaient pas une majorité absolue non plus, mais il y avait un très fort pourcentage des autres, des Allemands, des Juifs, même certains Polonais. C'est cette population-là qui a baissé radicalement, laissant donc la majorité aux Kazakhs. Les raisons pour cette émigration du Kazakhstan sont diverses. D'abord, il y a la chute dans le standard de vie depuis 1989. Il y a la politique d'indigénisation qui fait en sorte que les non-Kazakhs ne se sentent pas à l'aise dans ce pays. Il y a les craintes d'instabilité, quoique le Kazakhstan est parmi les plus stables des pays post-soviétiques. Et il y a un facteur très important, la baisse dans le niveau de l'éducation qui incite les parents à émigrer. Je pense que ça, c'est un facteur qui est constant dans tous les cas d'immigration en ancienne Union soviétique, mais aussi ailleurs. Les parents qui souhaitent une meilleure vie pour leurs enfants, qui eux sont pas mal, ils sont bien installés, ils n'ont pas à se plaindre, mais qui ne voient pas d'avenir pour leurs enfants et qui estiment que les enfants auront un meilleur avenir ailleurs. Et pour cette raison-là, ils quittent le Kazakhstan pour aller à l'étranger. Oui, ils sont souvent malheureux, mais ils estiment que les enfants auront de meilleures chances. Passons maintenant au cas de l'Estonie. L'Estonie est évidemment à l'autre bout de l'ancienne Union soviétique, et c'est un tout petit pays qui connaît une peur existentielle de disparition. Plutôt, les Estoniens craignent de disparaître. Le nombre d'Estoniens le nombre d'Estoniens sous l'Union soviétique ne continuait de baisser. Ils étaient toujours une majorité dans leur pays, mais une majorité qui diminuait. Et un facteur important, je pense, dans la décision des pays baltes de se libérer de l'emprise soviétique, c'est justement cette crainte de disparition, que d'ici une ou deux générations, les Estoniens seront comme les autochtones d'Amérique ou autres, une minorité dans un pays qui était le leur. C'est donc au moment de l'indépendance, en 91, que les Estoniens ont introduit une conception de la citoyenneté qui était extrêmement limitée. Avaient droit à la citoyenneté estonienne seulement ceux et les descendants de ceux qui avaient été citoyens en 1940 lors de l'emprise soviétique. Cela veut dire que tous les nouveaux venus, venus depuis 50-60 ans, n'étaient pas éligibles pour la citoyenneté. Ceci excluait les nouveaux venus soviétiques, surtout russes, mais assimilés aux Russes tels qu'Ukrainiens, Biélorusses et autres. Cette pratique de citoyenneté limitée a été très critiquée et les Estoniens ont admis la possibilité de naturalisation, d'admission de nouveaux Estoniens, mais en imposant des exigences très élevées, des exigences surtout linguistiques. Et encore, comme au Kazakhstan, les Russes d'Estonie ne voyaient pas l'intérêt d'apprendre l'estonien, une langue mineure, une langue, selon eux, peut-être mourante, avec le résultat que très peu de nouveaux venus en Estonie, très peu de soviétiques, de russes en particulier, étaient éligibles pour la citoyenneté. L'Estonie aussi a interdit la double citoyenneté, que c'est le cas dans tous les États ex-soviétiques, et elle a imposé cette limitation essentiellement pour empêcher justement les Russes présents qui se sont trouvés soudainement comme apatrides de jouer sur la carte estonienne et russe en même temps. Cette limitation a provoqué des situations embarrassantes où, par exemple, des immigrants estoniens qui étaient américains ou canadiens ou français aussi se sont trouvés obligés de renoncer à une de leurs nationalités, d'être soit estonien, soit canadien. Mais c'était un petit prix à payer pour la sauvegarde de cette réalité estonienne. La minorité russophone d'Estonie, contrairement à celle du Kazakhstan ou des autres pays ex-soviétiques, n'a pas émigré. Elle n'a pas émigré parce que le niveau de vie était très élevé. C'est une des raisons qui avait attiré les soviétiques vers l'Estonie à l'époque soviétique. Mais aussi parce que les Russes d'Estonie avaient une société civile bien organisées, des organisations à eux, et ils ont fait l'objet d'une intervention de la part des instances internationales au commissaire aux minorités nationales de l'OSCE et autres qui ont fait de l'amélioration de la condition des non-estoniens, donc essentiellement russes en Estonie, une condition pour l'admission dans l'Union européenne. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a une minorité russophone permanente en Estonie. Une citoyenneté qui est plus ou moins réussie, le nombre d'apatrides, donc des Russes en Estonie qui se sont trouvés sans citoyenneté estonienne ni sans citoyenneté russe, est tombé d'un tiers de la population d'un tiers de leur nombre jusqu'à moins d'une dixième. C'est le résultat du fait que les jeunes russes en Estonie apprennent l'estonien. Il y a une forte pression à ce que l'éducation soit faite en estonien, mais ils gardent l'identité russe en quelque sorte. Donc ils sont des Estoniens de langue, de passeport, mais ils font partie des partis politiques russes et ils gardent un attachement sentimental à ce qui est leur culture d'origine. Passons maintenant au cas de l'Ukraine, qui est le cas peut-être le plus intéressant, le plus problématique. Parce que c'est en Ukraine, évidemment, que les contradictions et les résultats de la politique nationale de la chute de l'Union soviétique se sont fait sentir le plus. Notons d'abord que la langue russe et ukrainienne se rapprochent beaucoup, mais ce rapprochement rend la tension actuelle encore plus grande. On aurait pensé que le fait qu'un russe apprend l'ukrainien facilement, un ukrainien apprend le russe facilement, contrairement, disons, à l'estonien ou au kazakh, aurait facilité une identité ou une sympathie entre les deux peuples. Il n'en est rien. Chez le russe, il y a un mépris de l'ukrainien qui est considéré souvent, et le président Poutine a laissé échapper ses sentiments de temps en temps. L'ukrainien est entrevu comme un dialecte russe, pas digne d'être une vraie langue. Et de l'autre côté, les nationalistes ukrainiens font une lutte acharnée pour défendre la spécificité de l'ukrainien en bannissant des termes d'origine russe et en insistant sur le caractère distinct de leur langue. Mais ce qu'on a en Ukraine qui est particulier, c'est ce qu'on voit sur ce tableau, c'est un décalage entre la langue et la nationalité. La nationalité, telle qu'elle est écrite dans le passeport, dans les recensements, qui est un facteur d'identité, peut être russe. Mais le nombre de ceux qui parlent russe est beaucoup plus grand que ceux qui s'identifient en tant que russes. De même, ceux qui se disent ukrainiens de nationalité sont bien plus nombreux que ceux qui parlent ukrainien comme leur langue d'origine et leur langue principale. Cet décalage est encore plus important quand on regarde les chiffres pour la langue d'usage. Il y a un tiers de la population qui a la langue russe comme langue maternelle, mais il y a plus que la moitié de la population qui utilise le russe comme langue d'usage ou de commodité. Donc, si vous vous trouvez en Ukraine, vous avez plus de chances de vous faire entendre en russe qu'en ukrainien. Essentiellement parce que si on ne vous connaît pas, on présume que le russe sera votre langue plus que l'ukrainien. Bon, ça change actuellement, mais c'était le cas pendant longtemps et c'est toujours largement le cas. Donc le russe est resté à la fois la langue de nombre de ceux qui se disent ukrainiens de nationalité et c'est resté la langue d'usage habituel, quotidien, dans la rue, dans les magasins, au travail, pour plus que la moitié de la population de l'Ukraine. C'est pour ça qu'un auteur anglais qui s'appelle Andrew Wilson a fait un livre qu'il appelle « Ukraine Minority Faith ». Pour souligner le paradoxe qu'en Ukraine, l'ukrainien est une langue minoritaire. L'Ukraine a aussi une histoire complexe et une histoire de une division qui se fait sentir actuellement, mais qui était présent longtemps, entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine, essentiellement avec le Dniepr, la rivière qui coule sous laquelle se trouve Kiev, comme frontière, si vous voulez. L'Ouest a été austro-hongroise, polonaise. Elle n'a jamais fait partie de la Russie, de l'Empire russe. Elle n'est entrée en Union soviétique que durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où se trouve la ville de Lviv, par exemple. Lviv pour les Ukrainiens, Lvov pour les Russes, Lvov pour les Polonais, Lemberg pour les Allemands, Léopold, disent encore certains Français, oui. Donc la Galicie orientale, qui a une culture tout à fait différente de l'Est de l'Ukraine. Essentiellement, la plus grande partie de l'Ukraine a été russe depuis le XVIIe siècle. Et cette différence entre Est et Ouest se manifeste dans le vocabulaire parfois, mais même dans la religion. À l'Ouest de l'Ukraine, c'est l'Église grec-catholique qui domine, une église qui était considérée comme un cheval de Troie du catholicisme, qui était banni par les soviétiques en 1945, qui a été restaurée dans ses droits à la chute de l'Union soviétique, avec retour des églises, des immeubles, de la propriété de l'église grecque-catholique qui avait été confisquée soit par l'État soviétique, soit par l'église orthodoxe. Et l'église grecque-catholique est maintenant prospère et florissante en Ukraine occidentale. En Ukraine orientale, par contre, c'est l'orthodoxie qui prime. C'est l'Église orthodoxe, bien qu'elle est divisée en trois églises orthodoxes concurrentes, un patriarcat de Moscou, un patriarcat de Kiev, un patriarcat, une église autonome. Et néanmoins, la distinction religieuse entre l'Est et l'Ouest confirme les différences historiques que les deux parties de l'Ukraine ont connues. Il y a des divisions aussi au sein de l'Ukraine concernant le passé soviétique en particulier, notamment l'affaire du Holodomor, la grande famine ukrainienne des années 30, qui est perçue par les nationalistes ukrainiens comme une tentative stalinienne de génocide du peuple ukrainien, qui est vue à Moscou et par l'Est de l'Ukraine comme une tragédie sans doute auquel l'État soviétique a contribué, mais non pas comme une tentative d'élimination des Ukrainiens. Holodomor, évidemment, c'est un terme qui a été adopté pour rappeler Holocauste, et c'est l'Holocauste ukrainien dans la perception des nationalistes ukrainiens. Ce qui est ironique, évidemment, c'est que cette notion du génocide du peuple ukrainien est surtout répandue dans l'ouest de l'Ukraine, dans la Galicie orientale, à Lviv, dans les parties qui n'ont pas connu le Holodomor, tandis qu'à l'est, où effectivement il y avait la famine, il y a une perception plus bénigne, si vous voulez, du rôle de Moscou dans cette tragédie. Mais peut-être c'est une controverse historique importante, mais une autre controverse qui a sailli dernièrement, c'est celle concernant la Deuxième Guerre mondiale, notamment le rôle de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, l'OUN, l'armée insurrectionnelle ukrainienne, et le leader historique, Stefan Bandera, qui est perçu comme un héros dans l'ouest de l'Ukraine et comme un anti-héros, enfin, comme un épouvantail dans l'est. À Lviv, il y a un monument à Bandera, un monument dans une place centrale avec des colonnes de 7 mètres derrière. Dans l'est de l'Ukraine, on ne trouverait aucun monument à Bandera. On trouve plutôt des monuments aux soldats de l'armée rouge qui ont péri durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce culte de la Deuxième Guerre mondiale est aussi répandu dans l'est de l'Ukraine qu'en Russie même. Ces monuments, qui sont évidemment un drapeau rouge pour les nationalistes ukrainiens, qui considèrent l'action de l'armée rouge durant la Deuxième Guerre comme une deuxième occupation, non pas comme une libération, et qui donc rejettent l'interprétation de la lutte soviétique comme antifasciste et libératrice. Il y a donc déjà de la matière pour discorde en Ukraine, mais depuis l'indépendance en 1991, l'Ukraine a poursuivi une politique de nationalisation, en fait, ou est devenue ce que Rogers Brubaker, un sociologue américain, a appelé un nationalizing state, c'est-à-dire un État qui cherche à se rendre monolithe dans un sens national. La loi et la constitution et la loi sur les langues en Ukraine dit que l'ukrainien est la seule langue du pays. 80% de l'enseignement en Ukraine se fait en ukrainien. Le bilinguisme est strictement banni. Le bilinguisme est considéré, comme vous voyez sur cette caricature, comme une couverture pour l'hégémonie russe. Être bilingue, ça veut dire admettre le russe, ce que le nationalisme ukrainien craint et interdit. Mais il y a un décalage important entre ce pays légal et le pays réel. Comme vous voyez sur ce tableau de nouveau, beaucoup d'Ukrainiens, même des gens qui se disent Ukrainiens, continuent de parler de russe au travail, dans leur fréquentation sociale, parfois même à la maison. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a plus de livres en russe publiés en Ukraine aujourd'hui qu'il n'y en avait à l'époque soviétique. Ceci pour différentes raisons, à cause de la politique russe du livre qui subventionne le livre, à cause du fait que les livres étrangers sont traduits en russe plus facilement qu'en ukrainien, à cause du fait aussi que en Ukraine, l'idée de lire Tolstoï ou Dostoïevski en ukrainien plutôt qu'en russe semble un peu dénaturée, même pour les nationalistes. Dans cette situation-là, le gouvernement ukrainien, en 2012, a introduit la langue sur la charte des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe, que vous connaissez bien ici, je crois. C'était une manière de remplacer les aspirations bilingues de certains partis russophiles dans le pays. Et c'était présenté comme une réponse aux normes européennes. Dorénavant, dans toute province ukrainienne où il y avait plus de 10% de Russes ethniques ou russophones, ce n'est pas clair, le russe serait une langue régionale. Ceci impliquait au moins une dizaine des 27 régions de l'Ukraine. Cette mesure était présentée comme une façon d'européaniser l'Ukraine. C'était rejeté fortement par des nationalistes ukrainiens qui estimaient que la charte des langues régionales était créée pour protéger les langues menacées, pas les langues fortes comme le russe. Le russe n'avait pas besoin d'une charte pour se protéger. Au contraire, le problème, c'était l'impérialisme russe qui prenait de plus en plus de place Et ce n'est pas comparable, par exemple, à la langue bretonne ou la langue basque qui, elle, avait besoin de protection. Cette mesure, donc, n'a pas satisfait les nationalistes ukrainiens, n'a pas satisfait réellement les russophiles ou la population pro-russe parce qu'elle ne rendait pas le russe langue officielle au niveau national. C'est dans ces conditions-là que la crise a débuté. Là, jusqu'en 2013, l'Ukraine avait été un pays neutre, un pont en quelque sorte, qui avait maintenu un équilibre pendant 20 ans, essentiellement avec un jeu de pendule. Il y avait quatre présidents en alternance, pro-russe, pro-occidental, pro-russe, pro dans l'autre sens. Le dernier président, Yanukovych, était pro-russe. Son prédécesseur, Yushchenko, était pro-occidental. Kiev, la capitale de l'Ukraine, avait été une ville entièrement russophone autrefois. Elle s'est ukrainisée en étant la capitale d'un pays où l'ukrainien était la seule langue, donc les fonctionnaires travaillaient en ukrainien, les enfants allaient de plus en plus à l'école en ukrainien, les parents voyaient l'avenir comme l'ukrainien comme la langue de l'avenir, donc encourager la pratique de l'ukrainien. Et donc ce rôle de Kiev a basculé vers l'ouest, en quelque sorte, vers les tendances qui dominaient en Ukraine occidentale. En 2013, l'Ukraine est obligée de choisir son orientation entre l'Union européenne et, bon, je dis de si essentiellement, c'était entre l'Union européenne et l'Union euro-asiatique que la Russie mettait sur pied. La réaction, comme vous savez, parce que c'est des événements récents, c'était un mouvement populaire sur le Maïdan, sur la grande place de Kiev. Un mouvement qui était inspiré, je pense, d'abord par la dégradation des conditions de vie en Ukraine. L'Ukraine, en 2013, avait un PNB inférieur à celui qu'elle avait eu en 1989, et c'était une réaction contre la corruption de la présidence, du gouvernement et des oligarques au pays. L'Ukraine cherchait une sortie de sa misère. Il y avait une grande idéalisation de l'Occident, un nationalisme poussés qui ont orienté le Maïdan dans la direction que nous connaissons. La réaction russe, c'était celle d'incorporer la Crimée pour des raisons de sécurité, aussi pour effacer une défaite, je crois. En fait, la Russie avait clairement essuyé une défaite en Ukraine et elle a compensé en saisissant ou en s'attachant une province ukrainienne qui avait été largement russophone et qui avait été russe pendant très longtemps. Par la suite, on a connu une révolte à l'Est, une révolte, notons-le, qui était sur le modèle de ce qu'on avait connu à l'Ouest aussi. Dans les premiers jours de la révolte du Maïdan, à Lviv, il y a eu des saisies d'immeubles administratifs à l'époque où le gouvernement était encore pro-russe. Cette même saisie d'immeubles administratifs a donné lieu à l'action séparatiste à l'Est, qui était aiguisée par les médias russes, mais qui représentait une inquiétude réelle. La télévision russe n'avait qu'à montrer une commémoration comme celle-ci de Bandera à Kiev pour faire craindre aux Russes de l'Est qu'ils étaient en proie à un nationalisme qui leur était hostile. Je crois que ce qui est en jeu aujourd'hui en Ukraine, c'est deux conceptions. Une conception d'un État fort, un État national, enfin, qui est la conception prônée par les Ukrainiens d'orientation nationaliste et qui porte tous les dangers, évidemment, comme on le voit dans les actions à l'Est, la pression russe, la perte de la Crimée. D'autre part, il y a une conception d'un État décentralisé où les Russes qui se sont autoproclamés à l'Est auraient un droit de veto sur le sort du pays et donc qui comporte un danger de paralysie, d'immobilité, même de cet hijacking par la Russie même. Je crois que l'Ukraine d'aujourd'hui n'arrive pas à se décider entre ces deux conceptions et la crise donc perdure. Je vais m'arrêter là et je suis à votre écoute pour des questions éventuelles que vous voudrez poser. La Transnistrie, en fait, Oui. est-ce que là, c'est vraiment un problème ethnique de russophones, ou est-ce que c'est vraiment un pion placé par Moscou? Oui, la Transnistrie, effectivement, est un cas particulier parce que c'est une partie qui n'a jamais fait partie de la Moldavie, en fait. Qui n'a jamais fait partie de la Roumanie entre les deux guerres, qui a toujours maintenu un alphabet, par exemple, cyrillique plutôt que le latin, donc qui se trouvait distincte de la Moldavie. Et dans les premières années de l'indépendance moldave, il y avait un fort mouvement pour rattachement à la Roumanie. Et c'est cela qui, je pense, a provoqué la réaction en Transnistrie, disant non, on ne sera jamais roumain. Ce mouvement vers la réunification avec la Roumanie s'est apaisé beaucoup, d'une part parce que la Roumanie n'en veut pas, d'autre part parce qu'en Moldavie, il y a une élite qui est contente d'être à la tête d'un pays plutôt qu'une province roumaine qui se souvient peut-être que la Moldavie, comme elle s'appelait, c'était la Bessarabie roumaine, n'était pas très bien traitée dans la période entre les deux guerres. Donc, c'était une réaction anti-roumaine, anti-moldave, pro-russe, certainement, pro-soviétique surtout, qui s'est stabilisée et pour laquelle on ne voit pas vraiment d'issue. En Moldavie, il y a. En Moldavie, c'était le seul cas, avec la Crimée ukrainienne, où il y a eu des tentatives de fédéralisation, mais pas pour la Transnistrie, pour les Gagaouzes. Les Gagaouzes sont des turcophones, très peu nombreux, 60 000, je pense, qui aussi se sentaient plus soviétiques que roumains. Et au moment de l'indépendance de la Moldavie, ils ont réclamé leur statut spécial. C'est plus facile de donner un statut spécial à une petite minorité, comme les Gagaouzes, qu'à une grande minorité. Enfin, la Belgique l'a constaté. Donc les Gagaouzes ont eu leur république autonome, avec une capitale de Comrat. Avec une prévision dans la Constitution, c'est que si jamais la Moldavie devient roumaine, la Gagaouzie sera indépendante. Donc ça donne le ton des craintes minoritaires dans la sphère ex-soviétique. Vous savez, c'est aussi comme à la chute de l'Union soviétique, les républiques soviétiques titulaires, comme la Moldavie, le Kazakhstan, l'Ukraine, se sont déclarés États. Mais il y avait des minorités qui ne se sentaient pas... qui ne se sentaient pas attachés à cette nouvelle réalité, qui auraient préféré rester soviétiques, mais comme ils ne pouvaient pas rester soviétiques, ils réclamaient leur propre voix. Les Hongrois, par exemple, dans l'extrême ouest de l'Ukraine, en Ruthénie, ont tout de suite demandé leur attachement à la Hongrie, bon, qu'ils n'ont pas eu, évidemment. Les Ruthènes aussi de la Ruthénie, donc partie extrêmement extrême occidentale de la de l'Ukraine, par ici je pense, se sont déclarés un peuple séparé. Nous ne sommes pas Ukrainiens, nous sommes Ruthènes. Les Ukrainiens n'ont pas accepté cette autodéfinition non plus. Donc la chute d'un empire provoque des réactions inattendues. Et parmi ces réactions inattendues étaient celles que vous avez évoquées de la Transnistrie ou les autres que j'ai mentionnées. Au début de votre intervention, vous avez montré plusieurs tableaux en mentionnant des nationalités. Quelque chose qui nous pose, allemand, russe, oui. Et vous avez intégré les juifs. Oui. Comme si c'était une nationalité. Oui. Ou alors comme s'ils étaient, c'est une traduction que j'en fais, apatrides, puisqu'ils ne rentrent dans aucune nationalité. Oui. Oui, effectivement, dans la question juive, comme on disait en Union soviétique, était primordiale. Les soviétiques ont établi une politique de nationalité selon laquelle les juifs étaient une nationalité comme les autres. Dans les premières années de l'Union soviétique, il y avait une unité autonome polonaise, par exemple, en Ukraine. Il y avait une république autonome allemande en Ukraine. Et il y a toujours une république juive du Birobidzhan, n'est-ce pas, sur la frontière chinoise, qui était un peu une réponse stalinienne au projet sioniste. J'ai jamais été à Birobidzhan, c'est vraiment très éloigné, mais il paraît que sur la quand on arrive à la gare de train, il y a des signes en yiddish, parce que c'est ça, c'est considéré ça la langue des juifs en URSS et en Russie. Donc les soviétiques ont considéré les juifs comme une nationalité parmi d'autres. Évidemment, il s'agissait des juifs du shtetl, des régions prises de la Pologne au XVIIIe siècle. Les juifs habitaient en masse assez compacte, qui étaient réprimés à l'époque tsariste et qui, avec l'arrivée de l'Union soviétique, se sont dispersés et se sont très russifiés. Donc les juifs souvent ne parlaient pas le yiddish, certainement la deuxième, troisième génération, ils étaient russes comme les russes ethniques, mais sur le passeport figurait toujours l'indication juif. Pendant très longtemps, c'était pas bon d'être juif en Union soviétique dans les années 40-50. Donc dans les familles mixtes, il y avait beaucoup de familles mixtes, père russe, mère juive, l'enfant choisissait l'option russe. Jusqu'à la période dans les années 70 et par la suite où l'immigration vers Israël est devenue possible. Alors là, il y a des soviétiques qui ont essayé de changer d'identité ou qui sont réclamés d'une identité juive pour pouvoir immigrer. D'ailleurs, après 91, il y a eu une grande immigration juive d'Ukraine, de Russie, vers Israël, où ils constituent une communauté à part. En fait, je ne connais pas directement, mais on me dit qu'ils écoutent la télévision russe, ils parlent russe entre eux, ils ont leur parti politique, n'est-ce pas, Viktor Lieberman est un de leurs un Moldave d'ailleurs, russophone, qui quand elle a rencontré Poutine, Poutine lui avait dit « Est-ce qu'on peut parler russe ?» Et évidemment, elle avait dit « Je ne pourrais pas m'imaginer parler autre chose. » Donc, c'était ça la situation des Juifs en Union soviétique. L'identification comme juif, comme nationalité, est évidemment une façon d'éviter de les classifier comme religion. Parce qu'en principe, il n'y avait pas de religion en Union soviétique. Oui, monsieur. On remarque une question, en fait, sur... vous avez parlé du concept de Roustimir, qui, en effet, semble assez nouveau, et particulièrement la fondation Roustimir, qui a été créée en 2007, et vous avez fait parallèle avec l'Alliance française, le British Council, ou l'Institut, je pense qu'on peut faire ça. Et Roustimir, enfin, la fondation va plus loin, même, c'est vraiment, enfin, j'ai l'impression que c'est pour prêcher la bonne parole de la Russie à l'extérieur des frontières de la Russie, etc., et qui s'implante un peu partout. Donc c'est vraiment, c'est un peu le bras armé, un peu, la politique linguistique de la Fédération de Russie. Ouais. Et ma question portait sur, particulièrement sur les pays baltiques. Est-ce que, à votre sens, on peut parler des russophones des pays baltiques comme d'une minorité opprimée? Puisque on sent qu'il y a vraiment, de la part de, par exemple, en Lituanie, j'ai lu un article plus tard qu'avant-hier, où ils veulent faire en sorte, à partir de 2018, que tous les manuels scolaires soient écrits en lituanien, et vraiment se débarrasser des manuels scolaires en russe. Donc est-ce que, voilà, selon vous, les russophones des peuvent être considérés comme une minorité opprimée au sens où on l'entend. Oui. La Lituanie était un cas à part dans les Baltes. Dans les trois pays baltes, la Lettonie et l'Estonie ont toutes les deux adopté la loi de citoyenneté que je citais, selon laquelle seulement étaient citoyens les descendants de ceux qui avaient été citoyens en 1940. La Lituanie a adopté plutôt une conception généralisée. Toute personne qui habitait la Lituanie au moment de l'indépendance pouvait être lituanien. Ce qui réglait, dans un sens, le problème que des autres pays baltes. En Lituanie, l'ennemi, ce n'est pas tellement le russe, c'est le polonais, n'est-ce pas? Le polonais est considéré le dominateur historique. Les tensions sont avec la minorité polonaise dans les régions de Vilnius. Enfin. Les Polonais, en fait, les nationalistes polonais considèrent toujours Vilnius comme une ville polonaise qui était prise d'ailleurs de force par la Pologne durant l'entre-deux guerres, que les Lituaniens réclament comme la capitale historique. Bref, s'il y a du mauvais sens, c'est avec les Polonais plutôt qu'avec les Russes. Mais ce qui est commun à ces trois pays baltes et aussi aux autres pays post-soviétiques, c'est une tentative effectivement de indigéniser l'éducation. En Ukraine, comme je disais, là, on introduit l'éducation en ukrainien au niveau de l'école élémentaire, et pour entrer à l'université, on passe un examen en ukrainien. Dans les pays baltes, en Estonie, je pense surtout, il y a eu une grande controverse parce qu'on cherche à éliminer l'éducation publique, enfin l'éducation financée par l'État, en russe, par étapes. Donc on est arrivé déjà au lycée, et bientôt il n'y aura plus d'école russe étatique en Estonie. Bon, évidemment, le cas des pays baltes est considéré plus grave parce qu'ils font partie de l'Union européenne, ils sont considérés comme occidentaux, ils ont les yeux de Bruxelles braqués sur eux, ce qui n'est pas le cas pour le Tadjikistan ou pour le Kazakhstan, par exemple. Et au moment où ces pays entraient dans l'Union européenne, il y avait un grand problème de Russes de ces pays qui n'étaient pas citoyens russes, mais qui étaient résidents permanents. Qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on allait leur donner les mêmes droits que des citoyens estoniens ou lettons dans l'Union, est-ce qu'il aurait une liberté de voyager, de travailler. Finalement, sous la pression du haut commissaire pour l'aide nationale, on a créé un statut spécial pour ceux qui ne sont pas citoyens, mais qui sont résidents permanents dans les pays baltes, d'être présents dans l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'il y a une minorité russe dans l'Union européenne aujourd'hui. La situation, le fait que beaucoup d'entre eux n'étaient pas citoyens, étaient apatrides, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre la citoyenneté russe, même si elle leur était offerte, parce que ça excluait la possibilité d'être estonien, et ça donnait aussi une raison pour les expulser, en fait. On ne pouvait pas expulser un étranger, n'est-ce pas? Ces cas ont été beaucoup mis en évidence par la Russie pour montrer un peu les doubles standards de l'Union européenne face aux minorités. Il y a certaines minorités qu'on aime, d'autres qu'on n'aime pas. Et l'Union européenne a mis pression sur l'Estonie et la Lettonie pour relâcher leur loi de leurs conditions de naturalisation, de maintenir un système d'éducation en russe pour une certaine période. Bref, est allé dans le sens de lever la pression sur laquelle vivaient ces minorités. Est-ce qu'elles sont opprimées aujourd'hui? Oui, je suppose que c'est pas bon d'être russe en Estonie. Si on n'est pas estonien, on ne vote que dans des élections locales, on n'a pas de droit de citoyen. Si on est citoyen estonien, mais on est d'origine russe, on vous regarde un peu à travers. Aucun poste ne vous est interdit, mais il est plus difficile de monter. Il y a une discrimination. Il y a une discrimination, oui. Il y a eu une conférence vers nous il y a 2 ans sur l'Estonie et la Lituanie. Oui. Et c'est vrai que c'est complètement surprenant. C'est-à-dire que les enfants qui étaient bilingues, russes, lituaniens, les estoniens, je crois que c'est un peu le même cas de figure, deviennent monolingues. Et en plus, il y a une émigration massive. Enfin, je crois qu'il parlait de 400 000 personnes qui quittent le pays, des Russes qui se sont qui quittent quel pays? Je ne sais plus exactement ce que c'est fait dans ma mémoire, ouais. Mais il y a une émigration très importante du fait qu'ils ne sont pas bienvenus. Donc, ils s'en vont, les Russes, les gens. Et c'est vrai que ça pose le problème d'une langue minoritaire qui devient majoritaire et qui devient aussi bête, entre guillemets, qu'un État centralisateur comme la Russie ou la France, et qui exclut toute autre langue, et qui exclut toute autre minorité. Et c'est étonnant comme la langue, alors qu'avant c'était plutôt la religion, devient un critère discriminant fort. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de Russes qui quittent les pays baltes. Ils sont allés là parce que c'était des pays prospères. En fait, à l'époque soviétique, et il reste prospère par rapport au reste. Il y a des écoles, privées, il y a des écoles pour pour certains. Ouais. Il y a une éclosion d'écoles parallèles, d'écoles où on paye, d'écoles. Ça a l'air d'être une grande anarchie dans la scolarité. Oui, il y a une tentative d'imposer la langue nationale comme langue exclusive. Voilà, et si on tolère des minorités anodines, comme les gens il y a des gens dans l'Adgalie, en fait une petite minorité lettonne, on est prêt à leur faire des concessions, mais les Russes représentent une menace constante, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai habité au Québec pendant la plus grande partie de ma vie. Et j'ai vu, en fait, ces questions, justement, des minorités qui deviennent majorité et la façon dont la minorité peut être discriminée et pas discriminée. Il y a encore des écoles anglophones au Québec, mais pour être admis dans une école anglophone au Québec, une école publique anglophone, il faut qu'un de vos parents ait été lui-même élève dans une école anglophone. Je suis anglophone héréditaire pour cette raison, bien que je suis d'origine polonaise, parce que quand nous sommes arrivés au Québec, mes parents m'ont envoyé à l'école anglophone, et donc j'ai un certificat que je peux transmettre à mes enfants, mes petits-enfants, enfin, disant qu'ils sont éligibles pour l'école anglophone, mais seulement eux. Bon. C'est discriminatoire? Oui, bien sûr, c'est discriminatoire. Il y a tout un réseau d'écoles privées anglophones qui sont chères, qui sont très cotées. Quant aux jeunes québécois, il y a maintenant des anglophones au Québec qui parlent québécois. En fait, il y a quand même une certaine méfiance envers eux, qui n'est pas une discrimination ouverte, mais disons, c'est pas bon d'avoir des parents anglophones ou de parler anglais à la maison, même si on parle un français québécois impeccable. Alors, c'est des discriminations très subtiles. Je pense que c'est moins subtil dans les pays baltes, parce que la présence russe est plus récente et plus forte. Mais il y a une génération de jeunes baltes qui sont citoyens, qui parlent estonien ou letton, mais qui militent dans des partis russes, et des partis qui sont d'ailleurs qui s'identifient comme des partis ethniques. Il y a des partis russes. Je pense que le maire de Riga est justement d'un parti russe. Et ceci inquiète beaucoup les Lettons et les Estoniens, qui disent, voilà, les Russes reviennent sous une autre forme. Et nous risquons, nous courons les mêmes risques que nous avons courus quand nous étions partie de leur empire. Oui. On voit bien que l'argument russe en Crimée, mais plutôt on l'a vu en Géorgie aussi, c'est de venir sauver ces pauvres russophones qui sont menacés par des puissances carrément fascistes, pour reprendre le narratif russe. Jusqu'à maintenant, on les a vus faire et on les a laissés faire. L'Ukraine est passée quasiment du jour au lendemain sous drapeau russe, sans que finalement ça n'émeuve grand monde. La même chose s'était passée en Géorgie. Quand ce même narratif, ce même argumentaire va être appliqué ou risque d'être appliqué à des pays qui font partie de l'OTAN et ou des pays qui sont partie de l'Union européenne, ce qui est peut-être dans la ligne de mire de M. Poutine à un moment ou à un autre, selon vous, quelle serait aujourd'hui la meilleure réponse ou la meilleure réponse préemptive par rapport à cette manière de faire qui rappelle ce qui s'est passé dans les années 30, à peu près dans la même région d'ailleurs. Ouais. Bon, je crois que les cas sont très différents. Commençons d'abord avec la Crimée. La Crimée fait partie de la Russie depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1954. Là, c'est offert en cadeau à l'Ukraine. L'idée de donner, n'est-ce pas, un territoire comme cadeau est déjà assez aberrant. Sans qu'on y change grand-chose. Il y a une population qui est russe, les Tatars sont expulsés, et puis ils reviennent, c'est une grande base navale. Quand l'Ukraine devient indépendante en 1991, il y a un mouvement en Crimée pour un rattachement à la Russie. D'ailleurs, beaucoup de Russes, paraît-il, ne se rendent pas compte qu'ils ne font pas partie de la Russie. C'est un peu comme, en fait, pour mes étudiants en Suisse, je dis c'est comme si vous habitez une commune qui est maintenant dans le canton de Genève, ou dans le canton de Vaud, et soudainement Genève et Vaud se séparent, et vous vous trouvez dans un pays qui n'était pas le vôtre. Donc, c'est le cas pour la Crimée. Alors, je pense que l'analogie, par exemple, avec le Sudète, qui n'a jamais fait partie du Reich, ne tient pas très bien. Pour les pays baltes, la Russie, l'Union soviétique, reconnaissait toujours que c'était des cas particuliers. Parce que les Pays-Baltes avaient fait partie de l'Empire russe, mais étaient des pays indépendants entre les deux guerres. Ils étaient pris par l'Union soviétique dans un troc que les soviétiques eux-mêmes regrettaient par la suite. Donc les Pays-Baltes avaient toujours un statut spécial. Et c'est pour cette raison que, encore sous Gorbatchev, l'idée des Pays-Baltes qui prennent leur chemin n'était pas tellement scandaleux. Oui, ce n'était pas scandaleux du tout. C'est pour cette raison que je ne pense pas que la Russie actuelle aurait des ambitions sur l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. Tout au plus, la Russie craint. Ce qu'elle craignait aussi dans l'entre-deux-guerres, c'est que ces pays deviennent ce que les Russes appellent, une belle expression russe, un platsdarm. Que donc, que ce soit des avant-postes de l'OTAN, la frontière entre l'Estonie et et Saint-Pétersbourg est très proche, n'est-ce pas? Donc, il y a une crainte de ce point de vue. Mais des ambitions de reprendre ces territoires, même de reprendre des parties de ces territoires qui sont carrément habitées par des russophones. Il y a par exemple Narva en Estonie qui est 100% russe, ou Dugavipilsa en Lettonie qui aussi est habitée par des Russes. Même des corrections territoriales ne me semblent pas dans les cartes aujourd'hui. Ce que la Russie souhaite, c'est que ces pays, tous les anciens pays, encore plus les anciens pays de l'Union soviétique comme l'Ukraine, ne soient pas des pays ennemis. Et c'est ça l'enjeu en Ukraine, je crois. La Russie pourrait accepter que l'Ukraine garde son statut neutre qu'elle a eu pendant plus de 20 ans. Elle n'appartient ni à un bloc ni à un autre. Elle aurait aimé que l'Ukraine rentre dans l'Union euro-asiatique. D'ailleurs, sans l'Ukraine, l'Union euro-asiatique n'a pas beaucoup de sens. Mais elle se réconcilie à l'idée que ça soit un pays autre, un peu comme l'Autriche ou la Suisse, ou la Finlande, la Suède, oui. Mais elle peut difficilement envisager une Ukraine qui est dans le camp adverse. Et donc là, je pense que nous tombons dans le problème vraiment des blocs, n'est-ce pas? Au fur et à mesure qu'un bloc occidental se recrée, il y aura un bloc à l'est qui se manifestera, oui. Mais je craindrais pas pour une prise carrément de Pays-Baltes, une gérance politique, évidemment, en fait. Les partis politiques pro-russes en Lettonie et en Estonie seront financés, seront appuyés par la Russie. Le discours justement de l'oppression des Russes restera très fort, mais je ne vois pas une saisie territoriale du moins envisageable. Pour enchaîner justement sur l'Ukraine, qu'est-ce que vous pensez de la situation du Donbass? Apparemment, les deux camps sont un peu en expectative et oui, ils n'ont pas des volontés très très fortes de s'approprier le Donbass, ouais, vu sa situation économique. Ouais. En quoi, quand on relie la situation économique du Donbass avec la transition démocratique post-soviétique, mmh, ces mouvements d'autonomie partielle Le Donbass qui était le moteur économique de l'Ukraine autrefois est aujourd'hui dans un état piteux parce que ce sont des vieilles industries qui n'ont qui périclitent. Je ne crois pas que l'ambition russe c'est de s'emparer de Donbass. Ça serait beaucoup plus coûteux que ça ne rapporterait. D'ailleurs, déjà la Crimée s'avère coûteuse plutôt qu'un vrai avantage. Mais je pense que l'intérêt russe, c'est de maintenir un veto sur ce qui se passe à Kiev, ce qui se passe en Ukraine. Et une manière de maintenir le veto, c'est justement ces modifications constitutionnelles qui sont prévues par les accords de Minsk, selon lesquels Donetsk et Luhansk auront un statut spécial, ce qui veut dire aussi que ça sera une assurance en quelque sorte que l'Ukraine n'ira jamais dans l'OTAN, probablement pas dans l'Union européenne, mais ça parce que l'Union européenne n'en voudra pas, mais n'ira pas dans l'OTAN, ne deviendra pas donc un ennemi. C'est ça l'intérêt, je crois, que de l'Est de l'Ukraine pour la Russie. Une carte à jouer contre l'Ukraine. C'est la seule carte qui leur reste. Autrefois, ils avaient leur pion, leur parti politique des régions, une assise assez importante à travers l'Ukraine. Ils ont perdu cela. Maintenant, c'est vraiment l'Ukraine occidentale, l'Ukraine nationale, l'Ukraine ukrainisante qui domine à Kiev. La Russie a perdu cette bataille-là. Tout ce qui lui reste, c'est l'Est de l'Ukraine comme pion. À un moment donné, il y avait des voix qui disaient à Kiev, laissons tomber l'Est de l'Ukraine. On n'en veut pas de toute façon. C'est des Russes. Ils sont embêtants. Et là, la réponse de Poutine, c'était, nous, on n'en veut pas non plus. Alors, c'est clair que il ne s'agit pas d'une emprise territoriale, mais il s'agit d'une carte à jouer vis-à-vis de l'Ukraine en général. Permettez-moi une question un petit peu de philosophie politique. Oui. En reprenant là où vous nous présentiez, grosso modo, deux blocs en face à face, et si on accepte grosso modo deux grandes formes politiques. L'État territorial national qui sait administrer et intégrer sa population de citoyens et qui garantit les droits de ses nationaux citoyens, dont l'exemple le plus pur est l'État français. Et l'État impérial qui a la capacité sur le long terme de pacifier des populations différentes, de les intégrer dans cette pacification, mais en même temps se manifestent toujours ces problèmes de puissance vis-à-vis de frontières. Est-ce que cette description vaut cette dualité pour lire le face-à-face des deux blocs? Et est-ce que dans ce face-à-face des deux blocs, est-ce qu'on a affaire à une logique impériale classique sur le long terme du côté de l'Empire russe face aux États territoriaux ou ceux à l'intérieur de l'Empire qui veulent se constituer en États territoriaux? Et qu'en est-il au final des droits des personnes? Qui garantit les droits des personnes? On le sait pour l'État territorial national, c'est l'État qui a la capacité en tant qu'État de droit de les garantir. Mais dans une situation impériale, qui garantit le droit des différentes nationalités que vous avez décrites? Oui, je pense que votre intervention est tout à fait pertinente et bien posée. Il y a certainement une volonté d'imiter la France de la part de tous les pays de l'Est. On a vu en Ukraine, justement, il y a une idée qu'on va créer un État qui sera une et indivisible en Ukraine, qui sera ukrainienne. C'est la même logique qui prévaut Pologne, quoi, tout ça. En Russie, c'est beaucoup plus problématique. Vous savez, il y a un historien anglais, Jeffrey Hoskin, qui avait dit, mais il a déjà l'argument, que la Russie était un empire avant qu'elle soit un État. Et c'est vrai, la Russie contenait beaucoup de nationalités en tant qu'empire, qu'elle assimilait tant bien que mal, combien il y a d'Arméniens, de Géorgiens dans l'élite de l'empire tsariste. C'est une situation que Lénine a héritée et il a trouvé une solution, en fait, par la politique léninienne de nationalité où chacun avait une nationalité et il y avait des républiques nationales où on pouvait aller. Les Kazakhs pouvaient aller en Kazakhstan, les Ukrainiens en Ukraine, mais ils pouvaient être aussi Ukrainiens en dehors de frontières de leur État. L'État post-soviétique a essayé d'être un État à la française, aurait voulu être, mais il n'en est pas capable. Vous savez, il y a même si les Russes font maintenant un beaucoup plus grand pourcentage de la population de la Russie qu'ils ne faisaient de l'Union soviétique, ils ne font que 80% et les 20% sont assez turbulents et peu amène à être russifié. Donc, cette notion de Rossianin, d'une identité civique, c'est une façon de gommer le fait que la Russie actuelle, la Fédération de Russie, d'ailleurs, c'est le seul État post-soviétique qui a gardé la forme fédérale, reste un amalgame de différentes nationalités. Donc, la Russie se rend compte qu'elle ne pourra jamais être comme la France et elle essaie de faire avec. Elle est entourée par des États qui s'estiment plus à même d'être des États nationaux. La Russie russifie, bien sûr, comme l'Union soviétique a russifié et l'Empire tsariste a russifié, mais elle rencontre des obstacles. La Tchétchénie, le premier cas. Le Tatarstan, les Russes se résignent au fait que la figure impériale, dans sa nouvelle forme fédérative, persévère. Et je pense que il y a des voix, Sojourn Islande 1, par exemple, qui disaient « Débarrassons-nous de tous les autres, restons-nous entre Russes ». Ils voulaient le Kazakhstan du Nord aussi, parce qu'il y avait beaucoup de Russes là-bas. Mais dans la vision de ceux qui gouvernent la Russie, ils sont résignés au fait que ce sera un État impérial. Qui va défendre leurs droits? Bon, la Russie a en principe un ombudsman signé des conventions internationales, mais nous savons que ça ne va pas très loin, n'est-ce pas? Et il y a une notion, oui, quand même, que la langue russe sera la langue de l'ensemble, avec des variantes, avec des exceptions locales. Dans le Douma à Moscou, on ne parle que le russe. Ce n'est pas vraiment une situation fédérale, mais c'est la solution russe. Et la Russie, si je vous comprends bien, est obligée de maintenir sa tradition d'abord impériale, d'abord oui. De pacification interne de ses diverses populations, et puis ce problème des frontières. Elle est condamnée à le faire, ça reste. Même après la disparition des autres républiques, ça reste le plus grand État au monde, n'est-ce pas? Pas le plus peuplé, en fait, une population qui est en baisse, et si ce n'était pas pour l'immigration, elle serait en baisse très, très importante, mais qui est quand même 140 millions de personnes, qui est une puissance nucléaire, mais qui ne peut pas devenir internationale parce qu'il y a, trop de présence autre. 20 millions de musulmans, les minorités en Russie se plaignent qu'une fois qu'ils sortent de leur république, par exemple, que les Tatars qui sont à Moscou n'ont pas d'école tatare, etc. Mais la réponse russe est vous n'avez qu'à retourner chez vous en Tatarstan, et là vous serez à l'aise. Oui. On peut faire d'ailleurs une comparaison intéressante avec la France, puisque la France voudrait ne plus être impériale en Afrique, mais elle n'y arrive pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté politique d'arrêter l'impérialisme en Afrique, mais on n'y arrive pas. Parce que les États africains eux-mêmes réclament le maintien. La différence, c'est que c'est pas évident que la sécurité française est liée à la sécurité de l'Afrique subsaharienne, tandis que la Russie voit ses anciennes républiques soviétiques sur sa frontière. Et c'est ça aussi la crainte que. Vous savez, entre de la frontière ukrainienne à Moscou, il y a quelques centaines de kilomètres. Un missile moderne placé là peut atteindre Moscou. Donc la Russie avait dans ses premières années un genre de doctrine Monroe à la russe. La doctrine Monroe, c'est la doctrine américaine qui estimait que l'hémisphère occidental ne doit pas être le sujet de présence européenne. Entendez, seulement une présence américaine. Alors, il y avait aussi l'idée que l'espace anciennement soviétique devrait rester un espace bien disposé, ou du moins neutre envers la Russie, et non pas appartenir à un camp extérieur. C'est une politique qui a plus ou moins réussi, sauf en Géorgie, sauf en Ukraine, où ça a donné lieu à des conflits. Ailleurs, en Asie centrale, la Russie continue de dominer. Si elle craint quelqu'un, si elle craint notre puissance, c'est la Chine, n'est-ce pas, pas l'OTAN. Hein. Mais la Russie n'est pas seule aussi, parce qu'il y a la stratégie de l'OTAN. Normalement, l'OTAN aurait dû disparaître. Il s'est maintenu, et il continue la même politique que pendant la guerre froide. Donc, ils sont aussi contraints à réagir. Ouais. Parce que la Géorgie et l'Ukraine, nous cachons pas les yeux. En fin de compte, l'OTAN est aussi en train de pousser derrière pour créer Il y avait en 2008, il y avait un sommet de l'OTAN, je pense à Bucarest, où il y avait une proposition américaine d'ouvrir la voie à l'entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Ça n'a pas passé parce que les anciens Européens, enfin, les Allemands et les autres, s'y sont opposés. À l'époque, il n'y avait pas un sentiment pro-OTAN en Ukraine. C'était une minorité de la population qui le souhaitait. Aujourd'hui, je pense que ça serait beaucoup plus puissant. Un des paradoxes de ce qui est arrivé en Ukraine, c'est que la Russie, à force de vouloir asseoir sa présence et garder son emprise sur l'Ukraine, l'a perdue. Et maintenant, l'Ukraine est beaucoup plus pro-occidentale qu'elle n'a jamais été. Mais moi, je crois que tu as parfaitement raison de mettre l'OTAN dans la discussion. Parce que la logique d'un État impérial, d'un État empire, c'est bien d'administrer, de protéger toutes les populations qu'il contrôle en acceptant les différences, etc., mais en disposant d'une puissance armée pour signifier et contrôler sans arrêt les frontières. Et là, on retrouve un ancien modèle, c'est les marches. Faut pour un empire, c'est l'IMES de l'Empire romain, c'est là à tout prix qu'il faut, bon, qu'il faut signifier. Lorsque tu es citoyen de l'Union européenne, dans l'éloge permanent qu'on nous fait d'une démocratie pacifiée, mais elle est pacifiée sous contrôle de l'OTAN et des armées américaines qui eux aussi sont capables de signifier où est la frontière et où se passent les tensions. Or, ces dernières années, ont manifesté à nouveau le retour de capacités militaires et militantes, etc. Ce qui est extraordinaire de la part de l'OTAN, c'est de faire croire que c'est la Russie qui est agressive, alors qu'il y a une volonté délibérée, comme vous le disiez, on voulait intégrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN, il y a une volonté délibérée d'agression vis-à-vis de la Russie pour faire disparaître la capacité de cet empire. Mais ce que vous pensez, en 2008, ce qui s'est passé, c'était, est-ce que c'est une posture américaine de faire croire qu'ils souhaiteraient que la Géorgie et l'Ukraine rentrent dans l'OTAN pour à la fois diviser les pays européens, embêter évidemment la Russie, comme ils le font aujourd'hui sur la scène internationale, les amis américains, avec la Turquie, l'Iran, et avec des positions qui sont mal perçues, de façon mal comprises, ou tout à fait mal comprises par les États-Unis. Oui, en fait, je ne vais pas défendre les États-Unis, mais il faut dire qu'il y avait un mouvement aussi dans ces pays-là en faveur d'une telle intégration, notamment en Géorgie sous Saakashvili, n'est-ce pas, qui était très pro-américain, très pro-OTAN. Et il y avait aussi une vision de l'OTAN comme l'avant-porte pour l'Union européenne. Finalement, ce n'est pas tous les membres de l'Union européenne qui sont membres de l'OTAN, mais les relations se sont beaucoup rapprochées et parmi les nouveaux membres de l'Union européenne, tous sont passés par le portail de l'OTAN avant d'entrer. Donc, il y avait aussi une volonté qui venait d'en bas, de l'intérieur. Je crois que la logique de l'OTAN, c'est de l'expansion, comme c'était la logique de l'Union européenne pendant longtemps, en fait, comme la bicyclette, n'est-ce pas? Il faut continuer de pédaler pour rester debout. Et l'idée d'avancer sur l'Europe centrale, l'Europe orientale, était très tentant pour les stratèges, simplement pour montrer une dynamique. Il y a eu des tentatives russes et chinoises de s'opposer à ce mouvement. Il y a des contreparties de l'OTAN. Il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, par exemple. Il y a le traité de sécurité collective des anciens pays, où rentrent certains anciens pays de l'Union soviétique. Mais ils n'ont pas décollé de la même façon. Au contraire, ils ont beaucoup de mal à s'affirmer. Toute cette idée d'Union euro-asiatique est une réponse russe à l'Union européenne. D'ailleurs, il y a une imitation, une espérance que ça va aller dans le même sens, sans aboutir. Alors, le succès de l'OTAN est assez remarquable, oui. Il aurait dû disparaître, il n'est pas disparu, au contraire, il s'est élargi. C'est Poutine qui a donné le signal d'alarme et qui essaie de se profiler à la tête justement de l'opposition à cet hégémonisme de l'OTAN. Mais la Russie est infiniment plus faible que ses adversaires. Et donc, les pays avoisinants sont plus tentés par le modèle qui a réussi plutôt que par le modèle qui a échoué. Mais pour Saakashvili, il ne faut pas s'inquiéter, il est gouverneur d'Odessa, d'après ce que j'ai compris. Saakashvili, oui, est gouverneur d'Odessa, oui. Ça, c'est assez remarquable. Vous savez, il y a le duc de Richelieu, mm-hmm. qui était gouverneur de ce qu'on appelait la Nouvelle-Russie dans les années 1820, parce que la Russie tsariste accepter des immigrés, en fait. Mais depuis lors, je pense que c'est la première fois qu'il y a un ancien haut dirigeant étranger qui devient responsable d'une province. Oui. Il y a un statut de Richelieu. Il y a un statut de Richelieu à Odessa? Oui, non, ça je n'ai pas vu. Oui. Oui. Oui, il faut dire que les empires ont cela de bon, si j'ose dire, oui. Qu'ils assimilent des gens de différentes ethnies, à condition d'accepter justement la langue, souvent la foi, en fait, ou l'autorité, oui. Alors, dans la Russie tsariste, il y avait plein d'Allemands, d'Arméniens, de Géorgiens, et de même en Union soviétique, où c'était une possibilité de mobilité, par exemple, des Juifs qui avaient été opprimés sous le régime tsariste. Mais à condition qu'on accepte la réalité impériale et qu'on réunisse son identité ethnique. Il y a beaucoup d'Arméniens, par exemple, en Russie, y compris dans les cercles dirigeants, mais ils ne parlent pas arménien. Mikoyan, un des membres éminents du bureau politique, était, comme le nom indique, arménien. Il parlait peut-être arménien, mais il s'identifiait certainement pas. Staline était géorgien, comme on sait. Et mon directeur de thèse disait toujours, Staline parlait une seule langue étrangère, le russe. D'autres questions? Une question concrètement, avec votre politique le terme qu'on a utilisé tout à l'heure pour le Kazakhstan qui s'est entre kazakhstanisé. Oui, indigénisé. Voilà, indigénisé, c'est un mot terrible. Le mot russe, c'est une karenizatia, ce qui est un enracinement, ce qui est plus joli dans un sens. Indigénisé, c'est quand même très connoté, quoi. Oui, c'était connoté, oui. Mais c'est ce qu'on dit en français, je pense, pour cette politique. Oui, mais c'est pas étonnant que ce soit le français qui a inventé ça. Oui. D'une manière concrète, les variations en pourcentage sur les courtes périodes sont très, très importantes. Ouais. Alors concrètement, sur le terrain, ça s'est passé comment? J'ai bien compris que la nationalité et la langue étaient très, très liées. Oui. Alors, il y a deux manières de faire. Sauf que les russophones deviennent kazakhstanophones, je ne sais pas comment on dit. Ou alors, est-ce qu'on les fait vraiment, ils s'en vont? Au Kazakhstan, je suis content que vous mentionnez cela parce que je n'y ai pas insisté probablement assez. Une des raisons pour lesquelles il y a cette montée en flèche du nombre de Kazakhs, c'est que les Russes sont partis, mais aussi les autres sont partis. Il y avait, dans ce qu'on appelait les Russes globalement, il y avait beaucoup d'Allemands, de Juifs, d'Ukrainiens. Et c'est ceux-là qui étaient parmi les premiers à partir. Aussi les Russes, mais en fait... il y avait 22% de la population du Kazakhstan en 89 qui était ni kazakh ni russe, mais qui était ukrainien, juif, allemand. Et c'est eux qui ont eu la possibilité de partir à l'ordre de l'indépendance et qui ont saisi cette opportunité. Même les Polonais qui avaient été exilés au Kazakhstan durant la Deuxième Guerre mondiale, et certains avaient été exilés en 1863 après une insurrection polonaise. La Pologne a lancé une opération pour les récupérer. Mais là, c'était un problème de savoir qui était polonais au Kazakhstan, parce qu'ils ne parlaient plus polonais, n'est-ce pas? Alors, certains étaient encore membres d'une paroisse catholique. Voilà. Mais finalement, le critère pour être polonais en Kazakhstan et avoir droit à rapatriement en Pologne, c'était si on observait les coutumes polonaises de Noël, par exemple. Donc, si on donnait ses cadeaux à la veille de Noël, si on mangeait 12 plats sans viande à la veille, si on échangeait l'hostie, etc., si on suivait ces traditions-là, on était polonais. Évidemment, c'était une façon d'exclure les juifs polonais, n'est-ce pas ? Ceux qui étaient complètement russifiés, mais une façon d'admettre que certains polonais ne parlaient plus polonais, comme certains allemands de Kazakhstan, d'Ukraine, ne parlaient plus allemand quand ils sont retournés en Allemagne, mais de les considérer comme nôtres. Une telle immigration en si peu de temps, ça ne perturbe pas les structures du pays? Bien sûr, oui, oui. En fait, il y avait... surtout que cette population-là était souvent dans les cercles dirigeants. chef d'entreprise, de haut poste dans l'administration, urbanisé. Donc, tout d'un coup, il y avait beaucoup d'appartements vides à Astana, c'est la nouvelle capitale. Almaty était la capitale avant Kazakh. Donc oui, c'était une perturbation, comme en Allemagne de l'Est. Quand les Allemands de l'Est ont commencé à fuir en 89, soudainement, il y avait un surplus de logements, par exemple. Et du point de vue des Kazakhs ethniques, ça n'a fait que confirmer que ce n'étaient pas des vrais citoyens loyaux, mais c'était des étrangers qui profitaient. Et bon débarras, n'est-ce pas? Mais au niveau de l'économie du pays, ça n'a pas eu d'impact significatif qui ont rendu les Kazakhs plus pauvres qu'avant, par exemple? Bon, le Kazakhstan est un pays riche. Et il a des ressources naturelles, il y a du pétrole et du gaz. Donc, ils ont pu récupérer de ce point de vue-là. Et la politique de kazakhisation... était très poussée et très réussie. Il y a par exemple beaucoup d'étudiants kazakhs qui étudient dans l'Ouest maintenant, aux frais du gouvernement kazakh. Il y avait une proposition d'introduire une autre langue officielle au Kazakhstan, l'anglais. Bon, c'était un peu farfelu parce que personne ne parlait l'anglais, mais ça indiquait un peu l'orientation. Économique du moins. En même temps, le Kazakhstan reste un allié fidèle de la Russie. Nazarbayev est un des piliers de l'Union eurasiatique, très loyal envers Poutine. La Russie n'a pas grand-chose à craindre du Kazakhstan, je pense, du moins jusqu'au décès de Nazarbayev, qui va intervenir, parce que nous sommes tous mortels et il n'est pas jeune. Pardon? En tant qu'acteur, il est immortel. Il est immortel, non? Il y avait, au Turkménistan, il y avait Turkmenbasha. Oui. Bon, le Turkménistan, c'est encore un autre pays. C'est le seul pays qui avait un traité de double nationalité avec la Russie et qui a dénoncé ce traité et qui a commencé à expulser ces Russes carrément. Au Kazakhstan, ils ne sont pas expulsés. Ils ne sont pas obligés de partir. Enfin, personne, il n'y a aucune loi. Au Turkménistan, il y avait une telle loi. Mais au Turkménistan, qui s'est beaucoup isolé, il y avait une statue de Turkmenbasha qui était couverte d'or et qui tournait avec le soleil.